son apothéose. Il périt dans la 56e année de son âge, et fut mis au nombre des dieux non seulement par le décret qui ordonna son apothéose, mais aussi par la foule, persuadée de sa divinité, pendant les premiers jeux que donna pour lui, après son apothéose, son héritier Auguste, une comète qui se levait vers la 11e heure brilla durant 7 jours de suite, et l'on crut que c'était l'âme de César reçue dans le ciel. C'est pour cette raison qu'il est représenté avec une étoile au-dessus de la tête. On fit murer la curie où il avait été tué. Les ides de mars furent appelés jours parricides, et il fut défendu pour jamais d'assembler les sénateurs ce jour-là.